Il faut évidemment un canon d'une grande volée, puisque la longueur de la pièce accroîtra la détente des gaz accumulés sous le projectile. C'est pourquoi je me propose de construire un canon de 900 pieds, 300 mètres, avec une épaisseur de 6 pieds. Et je songe à couler cet engin dans le sol même. Une fois la pièce fondue, l'âme sera soigneusement alésée et calibrée. Sera-ce un canon, un obusier ou un mortier? Notre Columbiad sera un canon, puisque la chambre de la poudre aura le même diamètre que l'âme. Ce sera un obusier, puisqu'il en sera un obus. Enfin, ce sera un mortier, puisqu'il sera braqué sous un angle de 90 degrés. Et que, sans recul possible, inébranlablement fixé au sol, il communiquera au projectile toute la puissance d'impulsion accumulée dans ses flancs. Adopté, adopté, répondirent les membres du comité. Mais de quel métal sera-t-il fait? Il faut adopter une matière excellente, mais à bas prix, telle que la fonte de fer. Ce canon pèsera 68 040 tonnes. Mais messieurs, je vous répéterai ce que je disais hier, soyez tranquilles, les millions ne nous manqueront pas.